السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحبه من تبعهم بإحسان اليوم الدين، أما بعد، donc la dernière fois on a pris un hadith qui était le 88e hadith. Et le 87e et le 86e, on avait pris 3, si je ne me trompe pas. Dont l'un était du hadith Khudhu anni manasikakum, qui concernait le hadith de la rite du Hajj, et celui-ci je l'avais passé pour les raisons citées que j'avais évoquées. Après le hadith As-Sabi' wa Thamanoun, 87e hadith, dans le col du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, Qulu wallahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an, que la sourate al-Ikhlas équivaut au tiers du Qur'an, et cela du fait que la sourate qui ne parle que le tawhid et des sifat vers lesquelles toutes les autres sont basées. Ou le hadith 88e hadith, qu'il n'y a pas de jalousie sinon deux choses. Un homme à qui Allah azawajal a donné du ilm et qui s'en sert pour le bien et qui l'enseigne, et un homme à qui Allah azawajal a donné des biens et qu'il dépense sur le haqq. Nakhouz al-yom al-hadith al-tasir wa thamanin, 89e hadith. An ibn Mas'ud radiallahu anhu, an al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم. Donc sur l'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il avait pour, plutôt que Ibn Mas'ud a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour coutume d'invoquer en disant ô Allah, je te demande la guidée ainsi que la crainte, la protection ainsi que la retenue et ainsi que la richesse. Donc lorsque, en arabe, on dit « kana fulania falkaza ya falkaza » avec le verbe « kana », en français, ça traduirait par un sens d'habitude, qu'on mettrait par l'imparfait. C'est-à-dire que c'est une chose qui se faisait d'accoutumance, pas une seule occasion. D'accord ?« Mazandakul kana Muhammad ajlis andal bab » Tu dis, ça veut dire que Muhammad s'asseyait devant la porte. C'est-à-dire que c'est une chose qu'il a l'habitude de faire. Donc ce dua était une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour coutume de dire, et qui renferme l'essentiel à demander pour être préservé en ce bas monde. Yaqul al-Sharih Shia Sa'di rahimahullah ta'ala, هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها ويتضمن السؤال خير الدين وخير الدنيا. Donc ce dua, c'est parmi les dua qui renferment le plus de sens et des plus bénéfiques, qui enferme la question du bien de la religion et du bien de la dunya. فَإِنَّ الْهُدَى هُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَالتُّقَى طَيِّبُ وَالتُّقَى الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَتَرْكُ مَا نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ وَبِذَلِكَ يَصْلُحُ الدِّينُ. Donc la huda, la guidée, qui est voulue là dans ce hadith, c'est le ilm al-nafi', la science qui est profitable. Il s'agit de la science légiférée. Il ne s'agit pas des sciences mondaines, la médecine, ou les mathématiques, les calculs, ou l'astronomie, ou tout ce qui touche à l'industrie, l'architecture, ou ce genre de ulum qui sont profitables, mais elles sont profitables à un certain stade. Là, ce qui est voulu, c'est la science nafia, c'est le fait de connaître la religion, tout ce qui est relatif à la révélation. Wattuqa, c'est quoi? C'est les œuvres pieuses qui consiste à délaisser ce que Allah et son messager ont interdit, et également appliquer ce qu'ils ont ordonné. Ouais, tout cas, on a expliqué que la taqwa, c'est que le serviteur mette une protection entre lui et la colère d'Allah, azawajal, justement en agissant correctement. Donc c'est par cela que se réforme la religion. Yaqul fa'in ad-din ulum nafi'a wa ma'arifa as-sadiqa فهي الهدى وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. Car la religion, justement, sont des sciences qui sont profitables et des connaissances qui sont véridiques. Donc c'est ça la guidée. On appelle la guidée. Quant au fait d'accomplir l'obéissance à Allah, son messager, cela revient à la taqwa. Souvent dans le hadith, il dit « wal afaf wal ghina ». Afaf qu'on traduirait par la retenue, le contentement, et le rina, c'est la richesse. « Yatadammanu al-afaf an al-khalq wa adam ta'liq al-qalb bihim wal ghina billahi wa bi rizqihi wal qana'ah bima fihi wa husul ma yatma'innu bihi al-qalb min al-kifaya. » Donc cela, ça renferme justement le fait de s'abstenir de ce que les gens possèdent. Tu te passes des gens et que ton cœur ne s'accroche pas à eux. Et la richesse, c'est la richesse, c'est-à-dire le fait d'être satisfait de ce que Allah Azzawajal t'accorde comme t'octroie comme subsistance. Et non pas la richesse que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande d'avoir beaucoup de biens. Non, c'était pas du tout son enseignement, son mode de vie. Mais le fait de se sentir riche parce que Allah Azzawajal lui a accordé, que ce soit peu ou beaucoup. Ce que Allah t'a donné, tu t'en satisfais. Donc là, tu seras riche en réalité. Et que ton cœur s'appelle justement par cette suffisance qui te parvient. Et c'est par cela que justement viendra le bien-être dans cette vie, dans ce bas monde. Ainsi que le repos du cœur. Et cela te donnera justement une bonne vie. Avec un cœur apaisé, tu en obtiendras une bonne vie. Donc de là, dans ce dua, on y voit ce qui est tu feras ce qui est profitable pour ton din et pour ta dunya via cette dua. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال سعادتين وحصل له كل مطلوب ونجا من كل مرهوب والله أعلم. Donc celui qui a obtenu cette guidée et cette crainte, et cette retenue, cette satisfaisance, ou satisfaction, et cette richesse, aura obtenu justement les deux bien-êtres, qui sont le bien-être de la religion et celui de la dunya. Et qu'il obtiendra tout ce qu'il demande, c'est-à-dire dans les demandes qui sont convenables et raisonnables, et qu'il sera préservé de toute chose à craindre. Mais également les choses à craindre concrètes, qu'ils sont nuisibles dans sa dunya et dans sa religion. Wallahu a'lam. Taïb. Yaqulu fil hadith at-tis'in. Donc maintenant, 90e hadith. An Abdillah ibn Amr, radiallahu anhu, qu'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba an yuzahzah anin nar, ويدخل الجنة أو يدخل الجنة فليأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتيه للناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم. Selon عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم il a dit le message d'Allah صلى الله عليه وسلم que celui qui aimerait être épané du feu et rentrer au Jannah, que la mort lui vienne alors qu'il croit en Allah au jour dernier et qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait qu'on se comporte avec lui. Rawahu Muslim. Donc ce hadith, c'est l'équivalent du hadith de Anas lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit من كان يؤمن بالله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Qu'aucun d'entre vous ne croira véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc cela va ensemble de se comporter avec les gens comme on aimerait qu'on se comporte avec nous. mais dans le bien. Car il y a des gens, ils aimeraient qu'on leur fasse certaines choses qui ne sont pas bien. Il y a des gens qui n'aiment pas des choses qu'on leur fasse alors qu'elles sont bien. D'accord ? Il y a des gens, tu leur fais du bien, ils n'aiment pas ça. Et t'en as d'autres, il y a des choses qu'ils aiment que tu leur fasses alors qu'elles ne sont pas bonnes. Donc là, il s'agit des choses qui sont bâties, elles, sur le bien. Que tu comportes avec les gens, comme tu aimes qu'on se comporte avec toi, dans ce qui est correct. Wa maqbul shara'an. Yakul la shak anna man zurziha 'an an-nar wa udkhila al-janna faqad faz. Donc il ne fait aucun doute que celui qui aura été préservé du feu et sera rentré au Jannah a certes réussi. Wa anna hadhihi ghayatu yas'a ilayha jami' al-mu'minin fa dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith laha sababayn. Et donc cette chose-là, c'est la chose vers laquelle ça court tous les croyants. C'est-à-dire obtenir la sauvegarde du feu et rentrer au Jannah. Et dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité deux causes pour l'obtenir. Tarji' ilayhima jami'u al-shurab wal-furu' al-iman billah wal-yawm al-akhir. Et donc, ces deux causes reviennent à toutes les branches de la foi. Ainsi que ses branches. Qui est la foi en Allah Azzawajal au jour dernier. Donc en premier lieu, c'est cette foi qu'il faut avoir. La foi en Allah Azzawajal et au jour dernier. Et celle-ci est indispensable pour entrer au Jannah, je veux dire. Et ne pas finir éternellement au feu. Cependant, croire en Allah au jour dernier ne suffira peut-être pas forcément pour être épargné d'un passage au feu. D'être châtié pour des causes. Pour des fautes provoquées en ce bas monde. Après, il est certain que celui qui croit en Allah au jour dernier, avec tout ce que cela implique, bien évidemment, finira par entrer au Jannah. On parle du Mouahid. Mais cela ne l'épargnera pas, si Allah le veut, d'être châtié un temps au feu. Et parmi les causes justement qui le permettent d'être épargné en plus d'aller au feu, c'est ce qu'il dit وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ بِاللَّذِي أَوَ الَّذِي يُحِبَّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ. Qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait qu'on se comporte avec lui. Donc ça, c'est la deuxième cause. Car cette cause-là toute seule ne garantira pas de rentrer au Jannah. Cette cause-là, tu pourras la trouver chez des gens qui sont parmi les ennemis de l'islam également. D'accord ? Tu verras certains des koufars qui vont être avec toi équitables. Mais est-ce qu'ils croient en Allah au jour dernier ? Non. Donc il faut joindre les deux ensemble. Pour pouvoir justement augmenter les probabilités de rentrer au Jannah et d'être épargné du feu. Et si les gens se comportaient comme en conformité avec l'enseignement de ce hadith, vous voyez que le monde s'en porterait beaucoup mieux. On serait basé sur l'équité. L'équité et la justice. D'accord ? Et de base, il y aurait peu de conflits à régler, car il y aurait peu de divergences entre les gens de base. De toute façon. On serait moins amené à avoir à régler des conflits, car de base, les gens ne seraient pas trop en divergence du fait qu'ils se comporteraient chacun envers les autres avec équité. Et qu'ils n'aiseraient pas les gens. Tout comme ils n'auraient pas aimé être eux-mêmes lésés. Mais ces gens, Allah Azzawajal, quand on leur réalise Alika, Kaunan, et que Allah, dans sa volonté universelle, en a voulu autrement. Et comme vous le savez, ce n'est pas ce que Allah Azzawajal a voulu de façon universelle, ce qu'on appelle l'Irada al-Kauniyah, qu'il aime forcément. Une chose peut se produire et Allah ne l'aime pas. Mais elle se produit pour une sagesse qu'il aura voulu. Donc on les trouve dans cette phrase, dans ce hadith, deux droits. Le droit d'Allah Azzawajal qui est de croire en lui au jour dernier et le droit des gens qui est de se comporter avec eux de façon correcte et équitable comme nous-mêmes on aimerait être traités. Et cela a fermé la porte à bien des mots et à bien des mots. Allah. Cela a fermé la porte à bien des mots et à bien des mots que de se comporter avec les gens de la même manière que l'on aimerait que l'on se porte avec nous. طيب. Donc, هذا الذي قلنا اليوم من هذا الحديث. Et quant à ceux qui ont suivi ce que j'ai cité à propos de Abd al-Hayy, l'audio, je pense que j'en parlerai demain soir dans le Ders de l'Arba'in Nawawiya. Une parenthèse, Inch'Allah sera pas long. Histoire de mettre des points sur des i à certaines de ses inepties. Sans s'attarder non plus trop sur lui. Car en réalité, nous sommes dans des jours où la Oumma est vraiment dans le besoin de s'unir et non pas de se diviser et de se renforcer et non pas de se réfuter les uns les autres, mais les gens du faux se servent toujours de maintes occasions, saisissent maintes occasions pour pouvoir mettre leur poison et tromper les gens. Donc, parfois, il a un devoir de répondre. Mais on ne peut pas tout répondre à tout, car il y a trop. Les gens du faux ont trop de choses à dire et n'ont que ça à faire, malheureusement. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته